Soudan, que trace de Chaline. Elle se va magasiner. Ta mère pousse ma main. Ta mère pousse ma main. De nos cœurs, l'amour se part et nous change.